بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى dans ce verset, dans cette traduction approximative, dit « Ne méditent-ils pas le Coran, ou alors leurs cœurs sont cadenassés ?» Wa khayru ma tajtami alayhi an-nas huwa tadabburu kalam rabbina li'annahu bihadha unzila kalam rabbina likay yatadabbar wa likay yufham wa likay yu'mal bih. Et la meilleure des choses autour de laquelle les gens doivent se rencontrer, c'est autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la mettre en application. C'est la chose pour laquelle elle est descendue, pour qu'il soit compris et mis en application. Inch'Allah, fi hadhihi al-umsiya nara ba'd al-fawa'id fi a'zami suratin fi kitabillah azza wa jalla. Wa hiya as-surah allati ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ruknan min arkani as-salat. وإن لم يقرأها الإنسان في صلاته فصلاته خداج غير تمام. Et nous allons essayer de faire le tour un petit peu des points essentiels de la plus géante, de la plus grande et la plus géante sourate dans le Coran. Cette sourate que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, que c'est un des piliers de la prière. Et si la personne ne lit pas avec cette sourate dans la prière, sa prière n'est pas complète, n'a pas eu lieu. فأمر هذه الصورة أمرها أمر عظيم ركن من أركان الصلاة. فلو أن الإنسان كان حاملا لكتاب ربنا ووقف وكبر تكبيرة الإحرام متجها إلى القبلة وقرأ من أوائل البقرة، من أول البقرة إلى آخر الناس، ما قبلت صلاته. ولو أن إنسانا وقف وقرأ بفاتحة الكتاب طول حياته في كل الركعات فقط لأنه لا يحفظ إلا يقبل الصلاة. On se rend compte de l'importance de cette sourate qui est le Fatiha, c'est qu'il est maintenant il est mémorisateur du Coran. Il se lève pour faire une prière et il commence du début de sourate la vache jusqu'à la fin d'Yannaz. Mais sa prière ne sera pas acceptée, parce qu'il n'y a pas eu le pilier, un des piliers principaux de cette prière qui est la lecture du Fatiha. Et si une personne ne connaît que le Fatiha et durant toute sa vie, il a fait la prière qu'avec le Fatiha, sa prière, s'il a toutes les conditions et tous les piliers, il sera accepté. Hein? Pour montrer comment l'importance de sourate le Fatiha. Le Fatiha amrou amrou azim. Walida, kakoul de le Coran. Fa yajibu qira'atuha ala le wajh sahih. Kakoul de le Coran. ويجب فهم معاني الفاتحة والعمل به ككل القرآن، فهم المعاني وتدبر المعاني والعمل بما في القرآن، وفهم الفهم الصحيح. الفهم يجب أن يكون فهما صحيحا، وهو فهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. والقرآن أنزل لكي يعمل به، هذا مقصد القرآن، حق التلاوة هو العمل به. حق التلاوة هو العمل به. Et donc le Coran ainsi que le Fatiha, il faut qu'on comprenne les significations du Coran et qu'on comprenne aussi la signification du Fatiha que nous répétons à longueur de journée dans nos prières. Il faut aussi qu'on lise le Coran de la meilleure des façons. Il faut que le Fatiha soit lu de la meilleure des façons, lui donner son importance à le Fatiha. Hein? Il faut comprendre la signification du Fatiha et tout ce que nous pouvons du Coran aussi, hein, parce qu'il est descendu pour qu'il soit compris. Une compréhension saine, et la compréhension saine, c'est celle des nobles compagnons Ridwanullah alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection. Et il faut mettre en application ce qu'il y a dans le Coran, parce que c'est pour ça qu'il a été descendu. La meilleure des lectures du Coran, c'est la mise en application. C'est la mise en application, c'est pour ça qu'il est descendu. فأمر الفاتحة أمرها أمر عظيم. قال العلماء رحمهم الله أن الكتب السماوية كلها جمعت في القرآن، والقرآن كله جمع في الفاتحة، وسر الفاتحة في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وما خلقنا إلا لعبادة الله وربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن الله عز وجل les hommes de science رحمهم الله تعالى disent que tous les livres sont révélés من الله سبحانه وتعالى sont contenus dans le Coran. Le Coran en entier est contenu dans le Fatiha. Et tout le secret, il est dans un seul verset. Le secret du Coran, il est dans un seul verset du Fatiha qui est « Toi seul nous adorons et auprès de toi seul nous cherchons aide. » Et le but pour lequel les génies et les humains sont créés, c'est pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le but pour lequel les génies et les humains sont créés, c'est pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. ويدلك على عظم سورة الفاتحة أنها ركن من أركان الصلاة وأنها لها أسماء متعددة فهي أم القرآن وهي السبع المثاني التي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي القرآن العظيم وهي فاتحة الكتاب وهي الصلاة وهي الحمد وهي الكافية وهي الشافية وهي الراقية وأسماؤها تطول. ويقول العلماء إذا تعددت أسماء الشيء ذل ذلك على فضل الشيء. الله عز وجل les noms de sourate al-Fatiha sont nombreux. C'est la mère du livre. C'est la mère d'une chose, c'est comme tu as l'enveloppe du cerveau qui enveloppe ce tissu très fin qui enveloppe le cerveau. Les Arabes l'appellent Ummu Shay. Et la mère d'une chose, c'est celle qui le contient. Le Fatiha, c'est la mère du Coran. Parce qu'il contient tout le Coran. Les significations du Coran sont dedans. Ummu al-Quran, l'Arabe taqoul fi shay. Ummu Shay, ay shay alladhi yajma'u shay'a kulla. Ka hada al-ghita alladhi indana raqiq, yajma'u fihi al-aql, fa naqoul hada Ummu al-aql, li'annahu yajma'u al-aql kullu. Il lui a été donné le nom de la prière, le nom celle qui suffit, parce que si la personne ne connaît que le Fatiha, sa prière il est valide. Shafia, celle qui guérit. Qayyim rahimahullah, quand il a fait lors de l'un de ses pèlerinages, il était malade, il avait une forte migraine, il se guérissait avec le Fatiha. Il lisait le Fatiha sur Zemzem, et ça l'a guéri bi'idnillah azza wa jal. Quand quelqu'un venait à souffrir et à avoir de la migraine ou une maladie, il lui dit prends Zemzem, lis le Fatiha dessus, et il se fait bi'idnillah azza wa jal, il était guéri. Appelle les sept répétés parce qu'il est répété à longueur de journée, dans les prières surrogatoires, obligatoires. Calcule combien de fois tu la répètes dans la journée. Le Coran géant parce que tout le Coran, les buts du Coran sont contenus dans, et les significations, les grandes significations du Coran sont contenues dans le Fatiha. Il est appelé Fatiha al-Kitab, l'ouverture du livre, parce que dès que tu ouvres le livre, la première chose sur laquelle tu tombes, c'est le Fatiha. Il est appelé l'Hamd, la louange, parce qu'il commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Fahiya Umm al-Quran. وهي السبع المثاني لأنك المثاني لأنك تعيدها في اليوم مرات وكرات كم في صلاة الفريضة أنت تعيدها في اليوم 17 مرة زيد على هذا النوافل فترى أنت كم مرة أنت تعيدها فهي الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال عبدي الحمد لله يقول الله سبحانه وتعالى حمدا يا عبدي وهكذا وهي الشافية من سلفنا الصالح من كان يطلب الشفاء في قراءة القرآن يستشفي بالقرآن فكان ابن القيم رحمه الله صاحب زاد المعاد وغيره من من من الكتب وكان إماما في السنة في رحمه الله تعالى ومن طلبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان مرة انحج فكان به ألم شديد في بالرأس، هذا الذي تسمونه بالفرنسية لميغرين. فما زاد على أن أخذ زمزم وقرأ فيه سورة الفاتحة 7 مرات فشفاه الله سبحانه وتعالى. كان كلما اشتكى إليه أحد وجهه إلى قراءة الفاتحة، فهي الشافية، كذلك هي الكافية، تكفي الإنسان. لأن الإنسان لا يحفظ إلا هي فصلاته تمر رخ الإسلام. وهي فاتحة الكتاب، لأنه عندما تفتح الكتاب أول ما يواجهك سورة الفاتحة. وهي الحمد، لأنها تبدأ بالحمد، وهو الثناء على الله مع التعظيم والحب. فهذا إن دل على شيء يدلك على أنه يجب أن نعتني بسورة الفاتحة قراءة وفهما وتدبرا وعملا بما فيها. Et le nombre de ces noms que tu as dans le Fatiha, et ceux que j'ai cités et ceux que je n'ai pas cités, te prouvent qu'il faut donner l'importance à le Fatiha. Il faut s'en occuper, la lire de la meilleure des façons, la prononcer comme il se doit, et s'arrêter là où il faut s'arrêter, et aussi comprendre sa signification et mettre en application ce qu'il y a dans le Fatiha. C'est la mère du livre. La mère du Coran, il est la prière, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi, il a dit: j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Quand le serviteur il dit Alhamdulillah, louange à Allah, souverain du monde, Allah il dit: mon serviteur me loue, et ainsi de suite. Et il est compte ce grand nombre de noms et donner à quelque chose, les hommes de science ils disent que ça prouve l'importance de la chose, d'où l'importance de se pencher sur le Fatiha et de comprendre ce que tu es en train de lire dans ta prière. فمن هنا يدل واجب علينا أن نفهم ما نقول عندما ندخل في الصلاة. فالحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء مع الحب والتعظيم، والله سبحانه وتعالى يحمد على أفعاله ويحمد على صفاته وعلى كل شيء، فله الحمد المطلق، الحمد المطلق لله سبحانه وتعالى. Et donc partant de là, nous devons comprendre ce que nous disons. Le méditer, quand tu dis Alhamdulillah, louange à Allah, souverain du monde, la louange c'est la vénération. C'est le fait de louer et de vénérer, et cette louange et cette vénération est accompagnée d'amour. Et donc la louange au sens large du terme n'éduque qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est loué pour son essence, pour ses noms, pour ses attributs, pour ses actes. Toute la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. فالحمد المطلق هو لله سبحانه وتعالى، يحمد الله سبحانه وتعالى على ذاته وعلى أفعاله وعلى صفاته عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والله هو المألوه أي المعبود بحق، عبادة مع حب وتعظيم وتقديس. والرب أتت من ربى يربي، والله سبحانه وتعالى هو المربي لعباده، وتربيته له تنقسم إلى قسمين: تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة يدخل فيها كل شيء، الحيوانات والكفار كل يدخل فيها، رباهم بأكرمهم وأنعم عليهم بالبصر وبالصحة ويسر لهم سبلا الحصول على أرزاقهم. الحيوانات يسر لها هذا الأمر، يسره للكفار، يسر كل شيء، فهذه التربية العامة. أما التربية الخاصة فهي بالمؤمنين، أن هداهم إلى الصراط المستقيم، أن وفقهم إلى عبادته عز وجل، أن وفقهم إلى اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. والعالمين هو كل البشر، عالم من العوالم لا فيه العالمات كتار، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الملائكة، عالم الحيوانات، فيها أمور لا نعلمها، مخلوقات لا نعلمها نحن. ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. والعالمين دخل فيه الجن والإنس. الله عز وجل quand on dit louange à Allah souverain du monde, le premier verset, la louange c'est le fait d'aimer et le fait de vénérer. C'est une louange accompagnée de vénération. L'hamd, c'est une louange accompagnée de vénération et d'amour. Et il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Allah, Allah c'est l'adorer, celui qui doit être adoré. C'est un nom propre qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient du mot, du verbe Allah ya'lahu qui veut dire adorer avec amour et vénération, etc. Rabb, qu'on peut traduire avec souverain, Rabb ici vient du mot, du verbe éduquer. Rabba yu Rabbi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué ses créatures de deux éducations. Une éducation générale et une éducation particulière. L'éducation générale, c'est le fait de les avoir créés, de leur avoir facilité les chemins pour chercher leur subsistance. Ceci rentre dedans, les mécréants, les animaux, tout le monde rentre dedans. Il leur a donné la vue, lui, les mains, les pieds, etc. Les a orientés vers les choses qui vont être bien pour leur bas monde, et ainsi de suite. L'éducation particulière, elle concerne les croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a orientés vers le fait d'être des réels soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, vers le fait de croire en Allah, vers le fait de croire en les messagers alayhi sallallahu alayhi wa sallam, vers le fait de suivre ces messagers alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est le souverain des mondes, et les mondes ici, les humains c'est un monde, les anges c'est un monde, les mondes sont nombreux, il y a des mondes que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas. Le monde des djinns, le monde des anges, le monde, et ils sont nombreux. Et le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le comptabiliser. Et quand on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, inda qawlina Ar-Rahman Ar-Rahim, fahada yadulluka ala asma'illahi wa sifatih. أنه رحمن وأنه رحيم وأن رحمته على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي الرحمة ورحمته وسعت كل شيء وسعت كل شيء. فعندما تقول أنت الرحمن الرحيم ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك إذا كان الله رحمانا رحيما رحمن ورحيم فماذا؟ أي هذا يولد عندك ماذا؟ الرجاء في رحمة الله، رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. فهو الرحمن الرحيم وربنا له الأسماء، تعرف إلينا بأسماء وبصفات، رحمن رحيم عليم قدير، فهذه أسماء الله سبحانه وتعالى ومنها صفاته كذلك. فإذا كان رحمة رحيما فله الرحمة الواسعة كما قال ورحمتي وسعت كل شيء. Et quand on arrive au deuxième verset, on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Si ça découle d'un attribut qui est la clémence. Et comme il est dit dans le verset, la clémence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est dit dans ce verset que sa clémence couvre toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à nous dans le Coran par des noms et par des attributs. Et ces noms et ces attributs, nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec. Ils doivent avoir un impact dans notre vie. Et donc, quand on sait que Allah subhanahu wa ta'ala est clément, il est très miséricordieux, qu'est-ce qui, ça doit faire naître en nous quelque chose qui est quoi? Qui le fait d'espérer la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il devrait, pour avoir cette clémence, min Allah azza wa jal. Il devrait pour avoir cette clémence de Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman, c'est pour tout. Allah subhanahu wa ta'ala, ça concerne tout le monde. Il est Ar-Rahman pour tout le monde à tel point que les mécréants les ont doté des choses, leur a donné la santé, leur a donné les moyens, etc. Ar-Rahim, il est particulier pour les croyants. Wa kana bil mu'minina ra'ufa rahima. فالرحمن هذه يدخل فيها كل شيء، هذه الرحمة حتى في الحيوان، كيف إذا ولدت البغلة أو الفرس كيف لا تطع على ابنها، فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة الطيور بصغارها كذا كذا، كل هذا ورحمة الله سبحانه وتعالى بالكفار يعصون الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يرزقهم وارزقهم الصحة والمال وكذا وكذا. لكن الرحيم هذه خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. ونأتي إلى الشق الآخر، الآية الثالثة، ملك يوم الدين. ملك يوم الدين، وفي قراءة مالك يوم الدين. فالملك هو الذي يملك، ويوجد ملوك على وجه الأرض، ووجد ويوجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن ملوك الأرض وملك الناس فوق الأرض ما هو إلا ملك نسبي، وملك الله سبحانه وتعالى مطلق مطلق. فممكن أحدنا يملك عمارة الآن، فعندما نمر أمام العمارة نقول هذه عمارة الحج عمر، لكن تأتي إلى صلاة المغرب ونصلي على الحج عمر صلاة الجنازة، ويمر الناس بقرب العمارة ويقولون عمارة ورثة الحج عمر، ذهب الحج عمر، انطلق الملك، ملكه نسبي. كذلك أنت تملك زوجتك وأولادك وبيتك، ولكن هل تتصرف فيهم كما تريد؟ أو يجب أن تتصرف فيهم كما يريد الله؟ لا، تتصرف كما يريد الله. مالك هذا ولو كسبته من الحلال لا يجب عليك، يجب عليك أن تخرج زكاته وأن تنفق بدون تبذير ولا إسراف. أولادك هؤلاء وزوجتك يجب أن تقوم أنت ملكهم، نعم، والوصي عليهم والمسؤول، لكن يجب أن تقوم معهم وبهم وفق مراد الله وفق سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن الملك لله الواحد القهار. فالآن قال ملك يوم الدين مع أنه ملك كل شيء، لماذا خصص يوم الدين؟ لكي نعتبر بأنه فيه يوم الحساب، ويوم يجازى فيه الناس على أعمالهم، ويحاسبون، يقفون بين يدي الله ويحاسبون على كل ما فعلوا. مالك يوم الدين، ذلك اليوم لا ملك لأي أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. Allah Azza wa Jal, quand on arrive au troisième verset, il est dit le roi du jour de la rétribution. Dans une version, Malik Yawmiddin, dans l'autre, Malik Yawmiddin. Et aussi, ça veut dire dans l'autre version, celui qui possède. Allah subhanahu wa ta'ala possède cet univers au sens large du terme et ce qu'il contient. Allah, il est roi de cet univers et ce qu'il contient au sens large du terme. Mais il existe aussi des rois et des gens qui possèdent dans ce bas monde, mais leur possession et leur royauté sur un domaine ou sur une région est relatif. Ils ne peuvent pas la gérer comme eux ils veulent, ils doivent la gérer comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dicte. Ils s'acquittent des devoirs, des obligations que Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposées. Donc tu regardes, on passe à côté d'un bâtiment, tu dis ça c'est le bâtiment de l'Hajj Flan, et on fait la prière du mort sur l'Hajj Flan, et après on passe à côté du bâtiment, on dit plus qu'il appartient à l'Hajj Flan, on dit c'est le bâtiment des héritiers de Flan, c'est fini, sa possession s'est arrêtée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala possède tout au sens large du terme. L'homme, il est roi chez lui et il a son royaume, sa femme, ses enfants. Mais est-ce qu'il gère ce royaume comme il veut? Non. Il le gère comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'acquitte de ses devoirs et de ses obligations vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses enfants, et ainsi de suite. Des gens possèdent des fortunes. Est-ce que maintenant il fait comme il veut dans sa fortune? Non. C'est une possession relative. Il doit s'acquitter de la zakat. il doit, quand il dépense, ne pas être dans les extrêmes, ni faire partie de ceux qui gaspillent, jeter l'argent par les fenêtres, et ainsi de suite. Hein? Et la réelle royauté, et la royauté et la possession au sens large du terme, il est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il possède tout, ici la question peut venir, pourquoi il a dit « roi du jour de la rétribution » tout simplement, pour attirer notre attention. Qu'il y a un jour où nous devons tous revenir vers Allah, où il n'y aura plus de roi, plus personne ne possède quoi que ce soit, et que le seul roi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ce jour-là, c'est le jour des comptes, où tout un chacun de nous va se retrouver devant ses œuvres, la récompense ou le châtiment. Hein? فأنت تراخى الإسلام في هات ثلاث الآيات فيها دليل على توحيد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وفي عبوديته. الحمد من أنواع العبادة فهي لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فهذا يدلك على توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى وأن لا يعبد إلا الله. الرحمن الرحيم هذه أسماء الله ومنها صفة الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فهذا يدلك على توحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى وأن نقر بصفات الله سبحانه وتعالى ونثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه في القرآن وكما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى امتثالا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال أنه سميع وأنه بصير لكن ليس كمثله شيء، أي سمعه ليس كسمع البشر، فلا مماثلة بين الخالق والمخلوق أبدا. بصره ليس كبصر خلقه، فلا مماثلة بين الخالق والمخلوق. فبصر المخلوق يليق بضعفه، وبصر الخالق ها يليق بعظمته وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى. وفرق حتى بين المخلوقات، هل بصر الفرس كبصر النملة؟ أبدا. بصر الإنسان كبصر النحلة؟ أبدا. ففرق كبير بين المخلوقات، فما بالك بالخالق عز وجل. فالله فوق كل ما يتصوره الإنسان. لكن نثبت لربنا السمع والبصر والقدرة واليد والوجه كما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أثبته عز وجل في القرآن. ها؟ ومما يدل على التوحيد أنه يجب أن نوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته رب العالمين، أنه رب العالمين، أن نوحد الله سبحانه وتعالى في أفعاله التي لا يقدر عليها البشر، فهو الخالق المدبر لهذا الكون، المميت المحيي الضار النافع، ما يمكن أن يأتيك أحد بضرر إلا من يريده لك الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ينفعك أحد بشيء إلا من يريده لك الله سبحانه وتعالى. كذلك هو ملك يوم الدين. ها من الله عز وجل دون ces trois versets tu as les preuves de ce qu'on appelle le monothéisme. Le monothéisme de l'adoration, le monothéisme des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monothéisme de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis louange à Allah, la louange est un acte d'adoration. Donc tu as ta preuve pour le monothéisme de l'adoration, comme quoi le culte il est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis souverain des mondes, là c'est le monothéisme des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le souverain de ce monde, il est celui qui fait ce qu'il veut dans cet univers, qui est le seul, il est le seul à l'avoir créé. Hein? Il est le seul qui donne la subsistance, qui donne la mort, qui donne la vie. Hein? Il est le seul qui donne la maladie, qui guérit. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a prévu un mal pour quelqu'un, personne ne peut empêcher ce mal. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a prévu un bien pour quelqu'un, personne ne peut empêcher ce bien à pas arriver à la personne. Abadan. Et donc, quand on dit le clément très miséricordieux, hein, ça, ça prouve le monothéisme des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est fait connaître à nous dans le Coran avec des noms et des attributs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'il est celui qui entend et celui qui voit. Donc on reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, la vue et lui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître avec à nous en disant que il a des mains. On reconnaît les mains à Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est fait connaître à nous comme quoi il a le visage. On reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala le visage. Mais tout ceci en faisant abstraction à faire la ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala avec ses créatures. Tout ceci, nous devons le prendre tel qu'il est. Les significations des attributs sont connues dans la langue arabe, donc ils sont comme tels. La vue, ça veut dire la vue. Lui, ça veut dire la vue. Le visage, ça veut dire le visage. Les mains, ça veut dire les mains, tel que tu le comprends dans la langue des Arabes. Mais on ne cherche pas de ressemblant à Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en application le verset qui dit, hein, rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend et celui qui voit. Il sait reconnaître à lui-même la vue et lui, et en même temps il a dit, Andak, attention, la règle c'est que rien ne lui ressemble. Tout ce que tu peux imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ça. La vue des humains, il a vu des créatures, convient à leur faiblesse, à leur incapacité. La vue, lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, convient à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne le ressemble. La règle, elle est claire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a instauré. Donc nous devons confirmer Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est confirmé lui-même comme nom, comme attribut, et ce que lui a confirmé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sans chercher le comment de ses attributs et sans essayer de voir des ressemblances dans sa créature. Abadan, il n'y aura pas de ressemblance, il n'y a pas, il n'y en aura pas. Abadan, hein? Regarde combien la différence qu'il y a entre les créatures dans leurs attributs. Est-ce que la vue de l'éléphant et celle de la fourmi sont identiques? La vue de l'être humain et de l'abeille sont identiques? Et ainsi de suite. La différence est énorme entre les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Qu'est-ce qu'il en est d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Il n'y a rien à imaginer au niveau des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les prend tels dans leur signification dans la langue arabe et on ne cherche pas comment ils sont les attributs. فصفات الله سبحانه وتعالى نأخذها كما هي كما أتت في معنى لغة العرب لأن هذا القرآن قرآن عربي ولا نبحث عن المعنى. معنى اليد مفهوم، معنى البصر مفهوم، معنى السمع مفهوم في لغة العرب، معنى النزول مفهوم، فنأخذ كل هذا. معنى الاستواء أي العلو فوق العرش مفهوم، لكن لا نبحث عن الكيف، كيف صفة الله، كيف علو الله، كيف هذا لا نبحث، لأنه لا تدركه عقولنا. وهو كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أدخل رجل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الإمام مالك رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، فقال: يا إمام، كيف استواء الله؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فنظر إليه الإمام مالك وأطرق رأسه إلى الأرض، فبدأ العرق ينزل على الإمام مالك، وسكت لحظة، لأن السؤال هذا سؤال عظيم، أن تسأل عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وبعد لحظة رفع الإمام مالك وجاءوا إلى الرجل، فقال: الاستواء معلوم، أي معنى الاستواء في اللغة العربية معلوم، مفهوم أنه العلو، على، ارتفع، ها، لكن الكيف مجهول وغير معقول. الكيف، كيف استوى الله، مجهول هذا للناس وعقولهم لن تدركه. فنظر إلى الرجل فقال: ما أراك إلا مبتدع، فأمر به فأخرج من المسجد. لأن الأمر عظيم. كيف أنت تأتي بسؤال تسأل عن كيفية صفة الله عز وجل وربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ها، فالأمر ليس بالهين للإنسان. يقول لك الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فيبقى يتفلسف كيف ينزل والعرش غادي يخوى منه، وما يدرك أنت ماذا تريد، أنت ما تعرف ما هو استواء الله أصلا، كيفية هذا الاستواء لا نعلمها، فلا ندخل عقولنا فيما لا دخل لها فيه. فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، نقول سمعنا وأطعنا ونؤمن بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبحث عن كيفية النزول في الإسلام أبدا، ولا عن كيفية وجه الله، ولا عن كيفية بصر الله، ولا شيء من هذا القبيل. فهنا الله عز وجل إذنك dans ce verset le climat très miséricordieux il y a le monothéisme des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous devons confirmer Allah subhanahu wa ta'ala comme il sait à sa grandeur. Jamais chercher le comment des attributs d'Allah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit et il dit qui me demande je l'exauce, hein, qui se repent j'accepte, sans repentir on accepte. C'est tout. Et on ne cherche pas comment il descend Allah. Il ne commence pas à disserter. Mais s'il descend, ça veut dire que le trône, il est vide ou quoi que ce soit. Abadan. Le wasawis dit le shaitan. Il a la philosophie et les histoires à dormir debout. Ça, tu les laisses de côté. Pose pas de questions sur le comment des attributs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus de son trône. Ça y est. Il est au-dessus de son trône. Comment? Ça ne me regarde pas. La porte elle est fermée. Ma raison ne doit pas l'immiscer dans là où il ne faut pas. Parce que le verset il est clair. Rien ne lui ressemble. Il est celui qui entend et qui voit. Donc il s'est donné des attributs, mais rien ne lui ressemble. Donc l'élévation de Allah s'y à sa grandeur. Donc, on ne va pas chercher le comment. La signification de l'élévation, là tu as compris, il est au-dessus du tout. C'est tout. Voilà ce qui t'est demandé, comme on fait les nobles compagnons d'Allah. Et tu ne vas pas chercher à disserter sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, Imam Balik, rahimahullah, une fois il était dans la mosquée du prophète alayhi salatu wasalam, tout d'un coup un homme lui posa la question. Le clément est établi sur son trône. Il dit, comment il est établi? Imam Malik regarde la personne, il baisse la tête, parce que la question est énorme. Et la sueur commence à couler sur le front de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. À l'abs de temps, il relève la tête. Il lui dit, l'élévation, sa signification en langue arabe, il est connu. Le fait d'être élevé au-dessus de tout, etc. Et d'être en hauteur. Hein? Mais le comment n'est pas connu. Le comment est ignoré des humains. Et les raisons ne peuvent pas capter le comment de cette élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il regarde l'homme, il lui dit, je vois que tu es un innovateur. Il donne l'ordre aux gens qui étaient autour. Sortez-le de la mosquée, il le sort de la mosquée. Parce que la question est énorme. Poser des questions sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est énorme. Hein? L'imam Malik l'a jeté de la mosquée, l'a fait sortir de la mosquée. Et on ne pose pas de questions sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. Abadan. Les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur signification en langue arabe existe. Le comment de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne le connaît à l'islam. Personne ne le connaît. Hein? Et on arrive à Maliki Yawmiddin. Là, ça te prouve encore la quoi? La preuve de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve comme quoi il y a la résurrection. Et que une fois mort, arrivera un temps où nous devons tous sortir de nos tombes. Et se présenter tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nos comptes vont être faits. Hein? On va se retrouver devant les œuvres que nous avons accomplies dans ce bas monde. Hein? Donc, tu vois, dans ces trois versets, tu as là l'épreuve du monothéisme. Le monothéisme des noms et des attributs d'Allah, le monothéisme de l'adoration et le monothéisme de la souveraineté d'Allah. ففي هذه الآية الثلاث لك أخ الإسلام ماذا؟ لك أدلة التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. كل هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يخرج وأنت ترى أنت لما خرجت عن الفاتحة وعن ثلاث آيات من سورة الفاتحة إلا وخرجت بأدلة التوحيد. Tu vois, frère Allah Azza wa Jal, dans ces trois versets, tu vois les preuves des différentes parties du monothéisme que les hommes de science, hein, ils ont divisé le monothéisme en trois, le monothéisme de l'adoration, le monothéisme des attributs, des noms et des attributs, et le monothéisme de la souveraineté. Rien que dans ça, le Coran il est plein de tout ça. وهذا التقسيم اللي قسموا العلماء ديال التوحيد وقسموا على ثلاثة لماذا؟ لكي أنت وأنا عندما نقرأ كتاب الله عندما يكلمنا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات فنعرف هذا أن هذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى عندما يكلمنا الله سبحانه وتعالى رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء فهذا نعرف أن هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى عندما تأتي العزيز الحكيم تعرف أن هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى عندما يأتيك أمر أو نهي في الكتاب وتعرف أن هذا من توحيد العبادة ها؟ Et donc cet partage qu'ont fait les hommes de science après lecture du livre et de la sunna c'est pour nous faciliter à nos autres les communs de musulmans nous faciliter hein, la compréhension du livre quand tu passes devant un verset et que le verset il te parle de la création la création des cieux, la création de la terre, que tu saches que ça c'est un verset qui concerne la souveraineté d'Allah. Et qu'en quoi il est le seul qui crée, le seul qui donne la vie, le seul qui donne la subsistance et ainsi de suite. Et quand tu passes devant des versets qui te parlent des attributs d'Allah, comme la clémence, comme la science, et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., que tu saches que ça concerne les noms et les attributs d'Allah. Hein? Et quand et ainsi de suite, quand tu passes devant les ordres que tu reçois d'Allah et les ce que cela subhanahu wa ta'ala est interdit, que tu saches que ça concerne le monothéisme de l'adoration. Hein? Ah, tout simplement. فهذه زيادة على هذا أن في هذه الثلاث آيات أركان العبادات القلبية. العبادات لها أركان كما أن لها شروط القبول التي هي الإخلاص والعبادة فلها أركان ترتكز عليها فالعبادة يكون يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده مع الحب والتعظيم لله حب وتعظيم هذا الركن الأول دليله ماذا؟ الحمد لله رب العالمين فالحمد ثناء على الله وتعظيم لله مع الحب الركن الثاني رجاء ثوابنا الله وإن دليله الرحمن الرحيم فإذا كان رحمانا ورحيما فنرجو رحمته فعبادتنا لله عندما نعمل شيء يجب أن يتولد عندنا الرجاء أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا وأن يقبل عملنا ونرجو أن يثيبنا الله سبحانه وتعالى على ذلك العمل ها كذلك الركن الثالث الخوف من عقاب الله وهو في قوله عز وجل ملك يوم الدين فإذا كان ملك يوم الدين أي يوم الحساب فإذا كان الحساب فهناك جزاء وهناك عذاب فالإنسان يعمل أعماله ويتعبد الله سبحانه وتعالى بالحب وبالرجاء وبالخوف ولا نقول كغلاة المتصوفة يقول نحن فقط نتعبد الله بالحب ولا نتعبده بالرجاء لأن الرجاء عبادة التجار أبدا ولا نقول كما يقولون لا نعبدك يا ربنا رجاء في جنتك وخوفا من عذابك، ولكن نعبدك حبا فيك. فهذه عبادة الزنادقة. ولا نعبد ولا نكون فقط في الرجاء، لأن هذا الإنسان يرجع ويترك العمل، فهذه عبادة المرجئة. يقول لك لا أنا صافي القلب، صافي ما تنمخر ما تندير، ولكن ما تتصلش ما تتعمل بالأوامر. إيوة، هذا القلب اللي تقولنا أنت صافي ما صافي والو. هذا القلب داير بحال الكشينة ديال البلاد كحل. علاش؟ لأنه ما مسلم الأمر ديالو لله، ما تيسجد لله، ما والو. تقول انت صافي، كيف صافي؟ ما يمكن يصافي. قلبه يصفى ويزكو بالامتثال لأوامر الله، ما يمكن. كذلك ما نعبد الله سبحانه وتعالى فقط بالخوف، فهذه عبادة الخوارج الذين يقنطون ويقنطون الناس، أبدا. فعبادتنا لله بالحب مع التعظيم، وبالرجاء في ثواب الله، وبالخوف من عقاب الله. هذه ثلاثة لمها. نعبد الله حبا في الله وتعظيما له، ورجاء في رحمته وثوابه، وخوفا من عقابه. ها؟ ولا نكون كالزنادقة، ولا كالخوارج، ولا كالمرجئة. المرجئة يقولون احنا ما فقط الإيمان في القلب صافي، ما في صلاة، ما في زكاة، ما في شيء. إيوا، هذا الإيمان اللي في القلب ما خصو شي حاجة اللي تصدقه. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والآيات في القرآن اش تقول؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا لا؟ ولا الذين آمنوا وتكمشوا؟ أبدا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل لابد. فهذه أركان العبادة آخر الإسلام. Mais Allah Azza wa Jal, et dans ces trois versets, tu sors aussi avec les piliers de l'adoration. Hier, nous avons vu les conditions de l'acceptation des œuvres, qui sont la sincérité et le suivi. Donc, aujourd'hui, on apprend dans Surat al-Fatiha les piliers qui doivent être contenus dans les actes. Et ce sont des piliers d'actes qui émanent dans le cœur, qui sont dans le cœur. Voilà. Notre adoration se fait aussi avec nos cœurs et avec nos membres et avec nos langues. Et là, ce sont les piliers de l'adoration des cœurs. Et ces piliers sont au nombre de trois. Adorer Allah avec amour, adorer Allah avec espoir, et adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte. Adorer Allah avec amour, sa preuve c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange il a Allah, et la louange c'est... la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala accompagnée, la louange à Allah accompagnée de vénération et d'amour. On t'adore Allah parce qu'on t'aime et on te vénère. Et l'espoir, c'est dans Rahman al-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc s'il est miséricordieux et très miséricordieux, donc nous avons espoir, nous devons avoir naître dans nos cœurs l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense pour nos œuvres. Et le troisième pilier, c'est d'avoir peur du châtiment d'Allah. D'être, on adore Allah avec amour, avec espoir et avec crainte. Et l'épreuve pour le châtiment, c'est simple. Malik Yawm al-Din, le roi du jour de la rétribution, le jour des comptes. Celui qui aura fait les bonnes œuvres aura la récompense qui découle des bonnes œuvres, et celui qui aura fait les mauvaises aura le châtiment qu'il mérite et ce qui découle de ces mauvaises œuvres. Donc notre adoration doit être basée sur ces trois piliers. Aimer Allah et avoir espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et nos récompenses, et avoir peur du châtiment d'Allah. Et tout ceci, ces preuves sont dans les trois premiers versets de Sourate Al-Fatiha. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec amour, ça c'est l'adoration des extrémistes de Sofia et des Zanadiqa parmi eux qui ont atteint la mécréance, qui disent Ou Allah, on t'adore tout simplement avec amour. On veut pas, on t'adore pas pour ton paradis, ni pour ton châtiment, ni par peur de ton châtiment, on t'adore par amour. Et ça, c'est l'adoration d'il zanadiqa. Et des extrêmes d'il sauvéal. Là, Allah, le réel croyant, on l'adore avec amour et vénération, et avec espoir, on la récompense min Allah, et avec crainte du châtiment d'Allah. Et on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec l'espoir. J'ai espoir en la clémence d'Allah, donc je ne fais rien. Il y a des gens, tu leur parles, maintenant tu dis, mais mon cœur il est blanc, je ne fais rien, mais tu ne pries pas. Mais moi je ne fais aucun mal, mon cœur il est pur. Comment ton cœur il est pur? Là ton cœur il est pire que le nez de la vipère à cornes. Il est pire que ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumis à Allah. Pourquoi tu ne te prosternes pas pour Allah? Tu ne fais aucune œuvre que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Comment tu veux que ton cœur soit pur? Les cœurs, pour qu'ils soient purifiés, il faut qu'ils soient soumis à Allah et qu'ils œuvrent. Ce sont les œuvres qui purifient la personne, qui purifient son intérieur. Ce n'est pas je ne fais rien. Ta parole déjà je ne fais rien, c'est une catastrophe pour toi. C'est un grand mal ce que tu dis. Hein? Il faut que tu œuvres dans le bon sens. Il faut que tu sois insoumis à Allah. Hein? Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la voie, il dit ceux qui ont cru, il fait bonne œuvre. Il dit tout simplement ceux qui ont cru. Hein? Là. Et en plus de ça, salaf, il disait que la foi, c'est quelque chose qui est ancré dans le cœur et que rend véridique les œuvres. Sans œuvre, oui, la véracité de ce que tu prétends. Hein? Abadan al-Khalisla. Et aussi, on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte, tout simplement, parce qu'on a peur. Là. Ça, c'est là, de ceux, qui sont, comment vous appelez ça, dans, en honte, pessimistes. Et c'est la voix des Khawarij. Là. On n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce qu'on a peur du châtiment. Là, on adore Allah par amour, on a peur du châtiment et on a espoir en Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est les piliers que nous devons avoir dans nos actes d'adoration. Ah, c'est les trois premiers. On arrive au deuxième verset, au quatrième verset, dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hadha amru amrun ajib kama yaqulu al-layl. Iyyaka na'budu. إذا تأملتها جيدا وعملت بمقتضاها تخرجك من الرياء. تخرجك من الرياء وتجعلك تخلص العبادة لله، وهذا المطلوب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقتهم إلا ليوحدوني ويخلصوا العبادة لي. وإذا نظرت إياك نستعين تخرجك من الكبر والحول والقوة، أينهم لولا توفيق الله لك وإعانته لك ما عبدت الله. لهذا كان سلفنا الصالح وهم صحابة رسول الله يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا أبدا لو لم يكن التوفيق من الله. ما يمكن، هو التوفيق من الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. أي إياك نعبد، هذا نخصك يا ربنا بالعبادة، أنت الواحد الذي يجب أن يعبد، فعبادتنا لك وحدك يا ربنا، وأنت الواحد الذي يجب أن يطلب منه العون فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالعون في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تطلب من الله، لا تطلب من فلان ولا إلا تطلب من الله فيما يقدر عليه إلا الله، وإلا فممكن أن تستعين بأخيك باش ترحل الدار ديالك وباش تصبغ الدار وباش كذا. أما في أمور الشفاء هذا يطلب من الله، النجاح هذا يطلب من الله، كل هذه الأمور لا يستطيع الإنسان، فتطلب من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة عبادة، وهي داخلة في مفهوم العبادة، العام. لكن انظر أنت إياك نعبد، فذكرها في المفهوم العام للعبادة، الاستعانة، الاستغاثة، التوكل، الرجاء، كل هذا من العبادات داخل في مفهوم العبادة. لكن ذكرها هنا إياك نستعين، لماذا؟ لكي تدلك، خصها بالذكر هناك لكي تدلك أنه لولا عون الله لك وتوفيقه لك ما استطعت شيئا. فهذا يخرجنا من الكبر، أولى تخرجنا من الرياء إياك نعبد، وهذه تخرجنا من الكبر والحول والقوة، وأن القوة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لهذا القرآن أمره أمر عظيم، فالقرآن يجب أن يكون له تأثير في حياتنا. كم مرة نعيد إياك نعبد وإياك نستعين، فلننظر مدى إخلاصنا في عبادتنا لله، ومدى مفهومنا أن التوفيق بيد الله، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. Mais Allah Azza wa Jalla n'arrive qu'à ce verset qui est « Toi seul nous adorons et auprès de toi seul nous cherchons aide. » L'aide fait partie de l'adoration, dans le sens, rentre dans le sens général de, la, de l'adoration. L'adoration qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux phrases « Toi seul nous adorons » Toi seul nous adorons doit nous sortir de l'ostentation. Le culte doit être fait sincèrement pour Allah, et exclusivement pour Allah, et n'associer aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ni faire l'œuvre pour Allah et pour quelqu'un d'autre. Ni faire l'œuvre parce que les autres ils me regardent, ils me voient, abadan. Il doit être fait pour Allah et sincèrement pour Allah. Et donc si on médite ce verset, cette phrase dans ce verset, ça doit nous sortir de l'ostentation et de l'associationnisme aussi. Et de réserver le culte pour Allah et uniquement pour Allah et de l'accomplir sincèrement pour Allah. Et de l'autre côté, on lui demande aide. Ceci doit nous sortir de notre orgueil, comme quoi toute la puissance est à Allah. Que l'accompli dans la bonne voie, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a aidé à s'accomplir. Il lui a ouvert le chemin du bien. Que nous ne pouvons rien faire sans l'aide d'Allah. C'est pour ça que nos pieux prédécesseurs, qui sont les compagnons, disaient, si ce n'est pas Allah, nous n'aurions pas été guidés, ni on aurait pu prier, ni jeûner, ni faire quoi que ce soit. Ebeden, rien de tout ça. Si ce n'est pas l'accomplissement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, le Coran doit avoir un impact dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut qu'on médite ce que nous disons. Et cet impact dans ce verset-là, doit, comme les autres, par exemple, quand tu dis louange à Allah, tu dois adorer Allah avec amour et vénération. Quand tu dis Rahman Rahim, tu dois accompagner cet amour et cette vénération avec l'espoir en Allah. Et quand tu dis Maliki Yawmiddin, tu dois accompagner l'espoir et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu arrives à Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, tu dois réserver le culte exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas avoir d'ostentation dans tes œuvres, et en même temps de savoir que l'orgueil ne doit pas t'habiter, que tu n'as aucune puissance dans tout ça. Et qu'en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis d'accomplir le bien que tu es en train d'accomplir. هذا la réelle lecture du Coran. هكذا ها الآيات يجب أن يكون لها تأثير علينا أخي الإسلام. لا بد أن يكون التأثير. فإذا كنت تقرأ الحمد لله رب العالمين، فتدبر تسمع إذا كنت تسمع الحمد لله رب العالمين. تقوم بعبادتك وأنت بحب وتعظيم لله. تسمع الرحمن الرحيم فتقوم بها وأنت بحب وتعظيم مع رجاء لتواب الله سبحانه وتعالى القبول من الله سبحانه وتعالى. وتسمع مالك يوم الدين تقوم بها وأنت تخاف أن لا يتقبل الله منك وتخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. وعندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين أن تخلص عبادتك لله. ها؟ وأن لا تشرك مع الله أحدا، وأن تعلم أنه لا قوة لك ولا حول لك، أن هذا التوفيق كله من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفقك للصلاة، وهو الذي وفقك للصيام، وهو الذي وفقك للحج، وهو الذي وفقك لكل شيء. هكذا يجب أن نكون في عبادتنا أخ الإسلام. هذا إن هذا القرآن تترى الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن يجب، وأنت تسمع آيات الله أن يكون لها تأثير على أنفسنا وعلى قلوبنا. يجب أن نتأثر بكلام الله. كيف الناس اليوم اسمع عندما يتأثر بأمور تافهة وترى تمر عليه آيات العقاب وآيات تبين له أمور الجنة وكذا وكذا ولا شيء، ولكن ترى يتأثر بأمور تافهة، وهذا أمر خطير علينا. فمن لم تكن له موعظة في كتاب الله فلا موعظة له، من لم تكن له موعظة في كتاب الله فلا موعظة له أخ الإسلام. هذا الكتاب موعظة، القرآن موعظة وشفاء لما في القلوب ورحمة من رب العالمين وبيان لكل شيء أخ الإسلام. ومن الله عز وجل دونك ندخل لكتور دي القرآن doit se faire avec méditation, et cette lecture doit avoir un impact sur notre vie. Là, il est dit dans le verset, ne méditent-ils pas le Coran, ou alors leurs cœurs sont cadenassés. Tu regardes les gens, comment des fois ils sont atteints et influencés par des choses qui sont futiles, ça les touche. Ils entendent les versets du châtiment, les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala décrit les choses du paradis, etc. Et les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ce qu'il a réservé aux mécréants et les châtiments qu'ils ont subis, ce qui les attend dans le-delà, rien à faire. Ça ne les touche pas. Ils entendent les versets que Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a élu, il a élevé les croyants qui ont suivi les prophètes alayhi salatu salam, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve dans le-delà, rien. Et à la difficulté, ils vont pleurer, ils vont pleurnicher, ils vont, etc. Il salaf disait Ridwanullah alayhim, celui qui n'a pas trouvé d'exhorte, qui n'a pas été exhorté par le Coran, il sera jamais exhorté. Il n'aura pas. Comment tu peux trouver? Parce que ce Coran, il décrit comme quoi c'est une exhortation. C'est une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. C'est une clémence min Allah. C'est un éclaircissement sur tout. C'est un éclaircissement sur tout. Donc, notre situation avec le Coran doit changer. لا بد أن نتغير موقفنا من القرآن ومع القرآن يجب أن يتغير. يجب أن يتغير. وهذا القرآن فالله سبحانه وتعالى أنزله على أمتين، وكان في الصحابة من لا يعرف لا القراءة ولا فهو يسير لمن يسره الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. Et ce Coran il est descendu dans une communauté de Quraysh où la majorité, une grande majorité étaient des illettrés. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité ce Coran. Il est dit dans le verset, nous avons facilité la lecture et la compréhension de ce Coran. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent Il est descendu. Donc chaque fois que nous lisons quelque chose, nous devons tenir à comprendre. Bien sûr, il ne nous est pas demandé d'avoir la compréhension du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah, mais l'essentiel qui va nous permettre d'être bien avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas besoin de nous qu'il y ait un Cheikh l'Islam, un Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ou autre de l'Aimmat al-Din. هذا إن كان فالحمد لله، لكن هذا فضل الله يؤتي من يشاء، لكن مطلوب منا أن نفهم مراد الله. فيه أمور في القرآن اللي هي في متناول الجميع. وعلى أحل الله البيع وحرم الربا، من فهم شقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ها وزيد أمور كثيرة. Est-ce que c'est difficile de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a fait illicite la vente, le commerce, il a fait illicite riba, l'usure, les intérêts. Alors, tout le monde, tout un chacun le comprend. Est-ce que c'est difficile de comprendre, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat? Ah ben, hein? Tu as fait umour, tu y as. Wadiha akha l'islam. وفيه أمور لا ود لنا من أن نسمع كلام أهل العلم فيها ونقرأ كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير وتفسير الإمام السعدي رحمه الله وتفاسير أئمة السلف من المفسرين رحمة الله عليهم جميعا. Il y a des choses dont nous avons besoin de se faire aider par les hommes de science et par les livres de l'interprétation des plus prédécesseurs de Allah عليهم comme l'exigeait ابن كثير رحمة الله عليه et comme l'imam Sa'di rahimahullah et comme l'imam Shalqit rahimahullah et d'autres hein? Et avec notre Seigneur et nous il dit demandez-le à ceux qui ne savent pas وجعل من لا يعلم وجعل الواجب على الذي يعلم أن يسأل الذي يعلم وجعل واجبا على الذي يعلم أن يجيب الذي لا يعلم فما أين الإشكالات. لكن إشكالنا أننا في أمور الدنيا نبحث ونجتهد فيها وفي أمور ديننا يركب ما جاب قدي نلقيته في الطريق وقدي صافي. وهذا مصيبة علينا. تشوف مثل اللي بتمشي للبلاد تتقلب على فين كاين الهمزة ديال لاتاي ها فين كاين كذا شي حاجة اللي ولا تقلب عليها باش ما كان واخا تمشي 40 كيلومتر ولا 100 كيلومتر باش تجيب هذيك الهمزة ها. فما بالنا لا نفعل هذا في ديننا كي نحقق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل عن وضوء رسول الله عن صلاة رسول الله عن عن عن عن عن شوف وكل في متناولنا كل شيء بيدينا. يجب أن يكون هذا الهم الذي عندنا للدنيا يكون نفسه لنا في الدين. فلا إشكال أن الإنسان يبحث عن أمور يربح فيها وكذا من أمور ما في إشكال ما دام أنه في الحلال وإلى الحلال. لكن يجب كذلك أن يعمل لدنياك وعمل لآخرتك. فلا بد لا نميل كل شيء احنا للدنيا ونسوا الواجبات وما نفهموش داكشي اللي بغى من الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل اون بلوس الله سبحانه وتعالى لا في كو نو دوفون نو بوزي دي كيستيون دونك اون سي با اي لا في كوم اون ايدي دو لو فيرسي اي دوموندي او زون دو سيونس او زون دو لا سبيسياليتي كونت فو نو سافي با اي لا في l'obligation à ceux qui ne savent pas de demander à ceux qui savent. Et il a fait une obligation à ceux qui savent de répondre à ceux qui ne savent pas. Hein? Mais notre grand problème, c'est que pour ce qui concerne le mondain, on cherche la meilleure des formations, le meilleur des soucis, hein? La chose qu'on ne peut atteindre, les prospectus arrivent, vas-y, va voir les comparaisons du prix du café, de ceci, de cela, moment d'aller, de charger la voiture pour aller au bled, allez, on va chercher les bons, hein? Les bonnes choses, les bonnes affaires, même s'il faut faire 100 km, hein? Même s'il faut se lever à 4 heures du matin pour aller à une brocante qui a 150 km pour être avec la lanterne à regarder avant le lever du jour, on va le faire. Même s'il pleut et il neige. Ah, c'est notre réalité. Ah, Mais pourquoi on fait pas, on tient pas à un autre bas monde, à notre au-delà aussi, et à demander pour notre religion à chercher comment c'est la prière du prophète, comment c'est le dos de Rasoul, comment je dois faire mon pèlerinage, comment doit être la mosquée si je dois construire une mosquée, comment doit être ceci ou cela. On doit allier les deux, on doit chercher pour notre bas monde. Hein? Dans le halal et dans tout ce qui est autorisé, on doit aussi chercher l'embellissement de notre delà. Parce que notre demeure dans le delà, si on ne la construit pas maintenant, c'est maintenant que tu la construis dans cette vie. Il y a maintenant, daruna fil akhira, il y a un petit alio, minna, ma'ak li ibn alik, anta wa amaluk. Face à Allah al-Azim, رب العرش العظيم نزقنا وإياكم الفهم في الدين جعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.